Toujours en Corée, les scientifiques à l'Institut de floriculture de Pyongyang de l'Académie nationale des sciences viennent de mettre au point des problèmes scientifiques et techniques capables de cultiver dans la serre en vinyle de chaleur solaire sans chauffage diverses espèces de fleurs telles que chrysanthèmes en quatre saisons. Cela permettra d'offrir à la population une vie culturelle esthétique plus riche.